Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Peut-on apprendre à être un bon citoyen? Si la vie politique, pour le citoyen comme pour le gouvernant, est un art, alors l'art politique peut-il se transmettre, s'enseigner? Ou bien existe-t-il des natures plus enclines que d'autres à prendre la parole et s'ériger en représentant? Ces questions redoutables traversent notre conception contemporaine de la démocratie, de Nuit debout aux Gilets jaunes. Mais elles ne datent pas d'aujourd'hui. Et encore moins d'hier. Platon, dans un dialogue de jeunesse intitulé « Le Protagoras », du nom du sophiste en désaccord avec lui, formulait déjà cette question au IVe siècle avant Jésus-Christ. Remontons, pour commencer, à la nuit des temps, quand les hommes n'existaient pas et que les dieux se demandaient à quoi leurs créatures pouvaient bien ressembler. Voici le mythe de Prométhée. Il fut un temps où les dieux existaient déjà, mais où les races mortelles n'existaient pas encore. Lorsque fut venu le temps de leur naissance, fixé par le destin, les dieux les façonnèrent à l'intérieur de la terre, en réalisant un mélange de terre, de feu et de tout ce qui se mêle au feu et à la terre. Puis, lorsque vint le moment de les produire à la lumière, ils chargèrent Prométhée et Épiméthée de répartir les capacités entre chacune d'entre elles, en bon ordre comme il convient. Épiméthée demande alors avec insistance à Prométhée de le laisser seul opérer la répartition. Et dans sa répartition, il dotait les uns de force sans vitesse et donnait la vitesse aux plus faibles. Il armait les uns et pour ceux qu'il dotait d'une nature sans armes, il leur ménageait une autre capacité de survie. À ceux qu'il revêtait de petitesse, il donnait des ailes pour qu'ils puissent s'enfuir ou bien un repère souterrain. Ceux dont il augmentait la taille voyaient par là même leur sauvegarde assurée, et dans sa répartition, il compensait les autres capacités de la même façon. Cependant, comme il n'était pas précisément sage, Épiméthée, sans y prendre garde, avait dépensé toutes les capacités pour les bêtes qui ne parlent pas. Il restait encore la race humaine qui n'avait rien reçu et il ne savait pas quoi faire. Alors qu'il était dans l'embarras, Prométhée arrive pour inspecter la répartition et il voit tous les vivants harmonieusement pourvus en tout, mais l'homme nu, sans chaussures, sans couverture, sans armes. Et c'était déjà le jour fixé par le destin où l'homme devait sortir de terre et paraître à la lumière. Face à cet embarras, Prométhée dérobe le savoir technique d'Héphaïstos et d'Athéna, ainsi que le feu, car sans feu, il n'y avait pas moyen de l'acquérir ni de s'en servir. C'est ainsi que l'homme se trouva bien pourvu pour sa vie et que par la suite, à cause d'Épiméthée, Prométhée, dit-on, fut accusé de vol. Bonjour Olivier Renaud. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Vous êtes maître de conférences en philosophie ancienne à l'Université Paris-Nanterre. Vous avez publié un ouvrage sur Platon. Vous avez aussi concocté un dossier sur le Phèdre de Platon. Disponible en Garnier Flammarion. Et lorsqu'on vous a proposé de venir parler d'un mythe de Platon, car c'est le sujet de cette série, cette semaine sur les chemins, vous avez proposé le mythe de Protagoras, qui part du mythe de Prométhée que l'on vient d'entendre. Pourquoi ? Eh bien, ce choix s'est porté sur le mythe de Protagoras parce que, c'est un d'abord des dialogues que j'affectionne particulièrement de Platon, le Protagoras, et aussi parce que c'est un mythe qui n'est pas inventé, ou en tout cas produit par un des porte-paroles de Platon. Par exemple Socrate ou l'étranger ou bien l'Athénien dans les lois. Et à vrai dire, le mythe est tellement important dans son propos, il a tellement traversé les âges, alors pas que du fait de Platon, mais que il y a un côté fascinant à ce que un mythe qui soit ainsi porté par un adversaire de Socrate, Protagoras, trouve encore autant d'écho dans nos esprits aujourd'hui. Mais là, vous parlez du mythe de Protagoras ou du mythe de Prométhée ? Alors, je préfère parler du mythe de Protagoras parce que le mythe de Prométhée va désigner, en fait, pour nous, un ensemble de sources plutôt. Parmi ces sources, je crois que le mythe de Protagoras, en tout cas la façon dont Protagoras va raconter cet épisode du vol par Prométhée du feu divin pour le donner aux hommes n'est qu'une des sources et probablement pas celle qui est la plus importante dans la postérité, populaire. C'est plutôt la source hésiodique dans la Théogonie, puis dans les Travaux et les Jours. Et enfin, c'est surtout la source échiléenne. Le poète tragique Échille qui a écrit cette belle pièce qu'on appelle le Prométhée enchaîné, qui faisait probablement partie d'une trilogie et qui a probablement beaucoup plus marqué les esprits à la fois modernes et contemporains sur des sujets qu'on va sans doute aborder aujourd'hui sur la technique, la relation de l'homme à sa propre capacité d'inventivité, des choses comme ça. Et sa possibilité d'acquérir ou non ce qu'on appelle l'art politique. C'est quand même l'enjeu de ce dialogue à ce moment-là du texte. Tout à fait, et c'est là, je crois, la spécificité de Platon, en tout cas l'apport de ce mythe de Protagoras par rapport aux autres sources que sont Hésiode et Échille. Pour Protagoras, Prométhée n'est jamais qu'un épisode d'une série de répartitions pour réparer un manque qui est constitutif de la nature humaine. Et ça n'est qu'un épisode. L'important, comme on le verra, c'est cette dernière répartition, celle que Zeus va finalement opérer, et qui est celle du partage de l'art politique ou des conditions de l'art politique aux hommes. Alors on va voir comment on passe du vol du feu par Prométhée jusqu'à la répartition par Zeus de l'art politique chez chacun des hommes. Avant cela, pour bien comprendre comment ce texte arrive et pourquoi Platon a recours à un mythe à ce moment-là du texte, présentons l'enjeu de ce dialogue. Vous avez dit que c'était votre texte préféré. D'abord, qui est Protagoras ? On le connaît comme étant le chef de file des sophistes. C'est ça, c'est un des chefs de file des sophistes. En tout cas, il est présenté ainsi dans un très long prologue. C'est assez rare d'avoir un aussi long prologue dans un dialogue de Platon, qui va mettre en scène Socrate rencontrant un jeune Athénien riche qui s'appelle Hippocrate, le jeune Hippocrate, et qui veut absolument entrer dans la maison de Callias où se trouverait le célèbre Protagoras. Et l'élément dramatique qui va faire que Socrate accompagne Hippocrate dans la maison de Callias pour rencontrer ses sophistes, c'est qu'Hippocrate veut prendre des leçons de Protagoras pour devenir meilleur, pour prendre les leçons de ce sophiste qui est probablement un des plus célébrés dans l'Athènes classique. Alors qu'est-ce que c'est un sophiste, peut-être définissez-nous. La définition du sophiste n'est pas toujours aisée puisque c'est Platon lui-même en est en grande partie responsable. On désigne par sophiste, on va dire, un courant de pensée. Fin du 5e, début du 4e siècle, qui va regrouper... En fait, il vaut mieux commencer plutôt par des noms. Donc Protagoras d'Abder, Hippias, Critias également. Qui donnent tous leur nom à des dialogues de Platon, d'ailleurs. Et qui donnent tous leur nom à des dialogues de Platon. Et c'est un mouvement, on va dire, qui se singularise par une pensée sur le langage, sur l'importance du langage. Importance du langage du point de vue de la connaissance du monde, du type de savoir qu'on peut en tirer de ce langage et des moyens que ces sophistes vont pouvoir mettre en œuvre justement pour le rendre véritablement efficace dans la cité. De manière beaucoup plus prosaïque, on pourrait dire qu'un sophiste, c'est une étiquette, c'est un nom qu'un savant, un sophos, se donne, ou que Platon donne à ses savants, à ses prétendus savants, et dont une des caractéristiques, d'ailleurs, est de se faire payer des leçons, alors que, comme chacun le sait, Socrate, lorsqu'il parlait à tout vent avec ses concitoyens, ne demandait aucune rétribution. Socrate tient les sophistes pour des ennemis, ou un danger pour la pensée philosophique, notamment par le fait que les sophistes ne croient pas en une vérité, comme c'est le cas de Platon lui-même. C'est un fait que Protagoras, et c'est la raison pour laquelle aussi ce dialogue est aussi important, Protagoras est connu pour une thèse, puisque en fait on dispose très peu de fragments de Protagoras. On a le témoignage de Platon et des témoignages ultérieurs, mais très peu de textes dont on serait certain. On est à peu près certain, en revanche, qu'il ait été l'auteur de cette phrase selon laquelle l'homme est mesure de toute chose et qui a reçu un nombre d'interprétations très variées, mais dont la plus importante est celle qu'on pourrait appeler de relativiste. Et que finalement, la vérité n'est jamais, alors peut-être pas, le fait d'un sujet qui regarde par rapport à un autre sujet, mais il y a bien effectivement une solidarité entre la manière dont l'individu, ou en tout cas l'homme, se saisit du monde, en parle, avec un logos particulier, et la manière dont on va restituer justement cette connaissance. Et ça, c'est vrai que ça tranche beaucoup avec ce qu'on sait, on va dire, d'une doctrine platonicienne selon laquelle il existe une vérité objective, séparée, dont les formes sont la pierre de touche, et qu'il s'agit d'articuler grâce justement à un logos. Et c'est la raison pour laquelle les sophistes sont un danger. Vous parlez de restitution de la connaissance. Ce texte a pour enjeu peut-être cette restitution, cette transmission de la connaissance, que ce soit la vérité dans le dialogue platonicien, ou bien véritablement un savoir-faire ou un art politique, pour reprendre l'expression. Quand Socrate arrive avec Hippocrate chez Callias pour rencontrer le Protagoras, eh bien celui-ci assure à Hippocrate que s'il passe une journée avec lui, Hippocrate deviendra meilleur de par son savoir. Il dit ceci, il dit « Mon enseignement porte sur la manière de bien délibérer dans les affaires privées, savoir comment administrer au mieux sa propre maison, ainsi que dans les affaires de la cité, savoir comment devenir le plus à même de les traiter en actes comme en paroles. » Donc l'un des objets de sa parole, de son enseignement, c'est de former un bon citoyen. Exactement, c'est de former un bon citoyen. Et il y a, je crois, deux choses qui sont importantes dans l'extrait que vous avez lu. D'abord, une certaine conception de la transmission du savoir. C'est une question difficile pour Platon. Un savoir ne se transmet pas, pour reprendre une image du banquet, mais qui est aussi présente dans le prologue du Protagoras. Elle ne se transmet pas d'un vase vide à un vase plein. Ce n'est pas du tout un modèle de transmission de savoir que Platon accepte. Et la question se pose de savoir quel mode de transmission justement privilégie le sophiste. Par quelle magie le sophiste va transmettre comme ça à un riche citoyen, un jeune riche citoyen d'Athènes, un savoir dont on dit qu'il est merveilleux, mais dont on ne sait pas encore comment il va être mis en œuvre. Donc ça, c'est la première question, c'est les modalités de la transmission. Est-ce qu'il s'agit d'en faire un meilleur rhéteur? Est-ce qu'il s'agit de l'exercer à de la dialectique, une dialectique qui n'est pas platonicienne, mais plutôt essayer d'apprendre à réfuter systématiquement une thèse pour lui proposer une thèse contraire, par exemple. C'est un des exercices dont on sait qu'ils étaient proposés par les sophistes. La deuxième chose qui est importante dans le texte que vous avez lu, c'est le contenu du savoir que propose Protagoras. Et là, c'est peut-être ce qui va singulariser Protagoras par rapport aux autres sophistes qui sont présentés dans ce dialogue. On arrive dans la maison de Callias et durant ce prologue, Socrate raconte ce qu'on pourrait appeler un vrai ballet de sophistes. Dans un coin, il y a Hippias, dans un autre, Prodicos, et puis au milieu se dresse Protagoras, chacun ayant son petit cercle, chacun produisant une voix et un bourdonnement particulier. Et Protagoras, lorsqu'il va dire de quoi il est l'expert, va se singulariser des autres sophistes en disant « Mon but n'est pas du tout d'apprendre à mes étudiants une grande diversité de sciences. » On sait par exemple qu'Hippias arrivait dans le dialogue éponyme avec un manteau magnifique qu'il avait cousu, ou en tout cas conçu lui-même, qu'il était expert en mathématiques, mais qu'il connaissait aussi très bien Homère, qu'il avait une expertise aussi en astronomie. Protagoras, lui, dit « Mon but n'est pas de rendre mes étudiants polymathes, c'est-à-dire experts dans toutes les sciences. » Et vous l'avez dit, mon but c'est d'enseigner le bon conseil, bien délibéré. Dans les affaires privées comme dans les affaires de la cité, dit-il. Exactement. Et on peut se demander d'ailleurs s'il n'y a pas ici un passage naturel, en fait, entre bien administrer sa maison, son domaine, comme un bon père de famille, par exemple, et le fait d'étendre cette expertise de la bonne gestion à l'ensemble de la cité. Et c'est sur ce point que Socrate va affirmer son point de vue en contestant la possibilité pour n'importe qui, pour quiconque, de transmettre l'art politique. Exactement, et c'est une thèse qui n'est pas facile en fait à concevoir de la bouche de Socrate. Socrate va prendre systématiquement le contre-pied de Protagoras en disant « la vertu, en tout cas la vertu politique, et qui fait l'objet en fait de ce dialogue, ne peut pas s'enseigner ». Et la preuve, c'est que nous avons de multiples exemples de grands hommes dont les fils sont de véritables catastrophes en matière de vertu. Personnellement, dit Socrate, je ne croyais pas qu'il y eût la matière à enseignement. Pour être juste, je dois te dire d'où me vient la conviction que cela ne peut pas s'enseigner ni se communiquer d'un homme à un autre. J'affirme en effet que les Athéniens sont avisés. Or, je vois bien, quand nous nous rassemblons en assemblée, que lorsque la cité doit entreprendre la construction d'édifices, on fait appel à des architectes pour qu'ils donnent des conseils sur les questions d'ordre architectural. Lorsqu'il s'agit de la construction de navires, on fait appel à des constructeurs de navires, et de même dans tous les cas où il s'agit à ce qu'ils pensent de choses qui peuvent s'apprendre et s'enseigner. Si en revanche quelqu'un d'autre s'avise de leur donner des conseils sans qu'ils le reconnaissent comme spécialiste, qu'il soit très beau, ou riche, ou bien né, on ne l'écoute pas davantage, mais on lui rit au nez et on le chahute jusqu'à ce que celui-ci s'est avisé de prendre la parole s'en aille de lui-même pour avoir été tant chahuté, ou que les archers viennent l'arracher à la tribune ou l'expulsent sur l'ordre des prytanes. C'est donc de cette manière que l'on agit dans les domaines que l'on estime relever d'une technique. En revanche, lorsqu'il faut décider de l'administration de la cité, on voit se lever indifféremment pour donner un conseil charpentier, forgeron, cordonnier, grossiste, armateur, riche et pauvre, noble et roturier, et personne pourtant ne leur reproche de s'aviser de donner des conseils sans rien avoir appris d'aucune source et sans avoir eu aucun maître. Il est donc maint qu'il considère qu'il n'y a pas là matière à enseignement. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, et vous avez peut-être reconnu la bande originale du film Prometheus de Ridley Scott. Vous l'avez reconnu en tout cas, Olivier Renaud, bravo. Vous avez un bon point qui vous sera remis à la fin de l'émission, qui approche, on n'y est pas encore. Mais alors, ce que dit Socrate ici est d'autant plus important, déjà bon, c'est l'exposé de sa propre pensée, mais que c'est en réponse à ce texte que Protagoras va avoir faire référence au mythe de Prométhée, pour expliquer que si, selon lui, cette vertu, l'art politique, s'enseigne. L'argumentation de Socrate est intéressante parce qu'en fait, il procède de manière empirique. Il le voyait bien à Athènes. Quand chacun veut donner un avis, s'il est spécialiste d'architecture, eh bien on va l'écouter, alors que s'il est spécialiste d'autre chose, on ne l'écoutera pas, si c'est pour résoudre un problème d'architecture. Or, pour les problèmes politiques, n'importe qui, c'est-à-dire tout le monde, femmes et enfants et étrangers exclus, peut donner son avis. D'ailleurs, chacun le fait. C'est donc bien que ce savoir politique est inné, en tout cas ne se transmet pas. Va-t-il jusqu'à dire qu'il est inné ? Ça, c'est à vous de nous dire, Olivier Renaud. Alors, je ne m'aventurerai pas pour le moment sur, le type de vertu politique qui va pouvoir être enseignée du point de vue de Socrate. Et d'ailleurs, le Protagoras lui-même va être relativement aporétique sur cette question. Peut-être que les réponses vont se trouver dans la République, bien davantage que dans le Protagoras. Là où le mythe, effectivement, est une réponse, c'est que Protagoras va nous proposer en réalité une thèse relativement proche. Et c'est ça qui est embêtant avec cette opposition entre Socrate et Protagoras. C'est que Protagoras lui-même va distinguer entre une technique qui va pouvoir s'enseigner à un petit nombre. Il prendra l'exemple de l'architecte, mais aussi du musicien dans la suite de son mythe. Mais quand il s'agit d'art politique, effectivement, il concède, contrairement à Socrate, que oui, il est bien évident que chacun a potentiellement une part d'expertise dans la technique politique. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir améliorer cette expertise à laquelle chacun a part dans l'art politique grâce à la transmission d'un savoir sophistique. Mmh. Et c'est ça le point de rupture, si on veut, entre Socrate et Protagoras, c'est que d'un côté, Socrate va proposer une thèse, alors qu'on pourrait appeler, oui, inéiste, au sens où la vertu ne s'enseigne pas. Mais enfin, ce sera pour mieux dire ensuite que la vertu est véritablement l'objet d'un savoir pour Socrate. Donc ce sera, on pourrait dire, plutôt un argument par l'absurde que va utiliser Socrate dans le Protagoras. Alors que Protagoras, lui, va nous dire à travers son mythe qu'il y a bien un partage de tous et par tous de ces vertus politiques et que c'est le propre du sophiste, justement, d'améliorer, en tout cas d'organiser peut-être au mieux ce partage en donnant ses leçons. On va y venir justement à la suite du mythe, mais avant cela, précisément, pourquoi un mythe ? C'est-à-dire que le statut du mythe dans ce texte est très étrange. Socrate procède par argument, alors certes empirique et descriptif, mais quand même, il y a une démonstration, une argumentation. Protagoras fait référence à un mythe. Il raconte une histoire qui n'a pas valeur d'argument. Alors pourquoi quelle est la force persuasive de ce mythe ? Alors on peut se référer peut-être pour ça à la manière dont Protagoras lui-même introduit son propre mythe. Il dit, juste avant de commencer, à la réponse de Socrate qui demande « Alors, vas-tu me répondre sur la question de savoir si la vertu s'enseigne ou non ?» Protagoras dit « Je vais parler comme un vieillard à des enfants, de manière beaucoup plus plaisante, et je vais utiliser un mythe, donc le mythe de Protagoras, enfin le mythe de Prométhée, on va dire. Ouais. » Et il sera suivi de ce qu'il appelle un logos argumentatif, donc un discours qui va suivre immédiatement le mythe et qui va expliquer peut-être certains des ressorts, en tout cas, de ce qui avait été laissé inexpliqué dans un mythe. Enfin, je veux dire, c'est le propre du mythe aussi, d'être une histoire, alors qui peut être édifiante, mais enfin qui n'explique pas elle-même l'argument qu'on voudrait proposer dans un discours. Bon, donc, si on se réfère au texte, Protagoras lui-même ne donne pas vraiment d'explication sur la raison pour laquelle un mythe est préférable à un discours. Il dit simplement que c'est plus plaisant, c'est un jeu. Mais Platon y a beaucoup recours, vous l'avez dit dans ses dialogues. Oui, Platon, écrivain, hein, qui met en scène Socrate, il y a beaucoup recours au mythe. Et pour deux raisons. Il a recours au mythe lorsque on ne peut pas donner, et ça il le dit dans le Politique, lorsqu'on ne peut pas donner un logos satisfaisant de quelque chose dont on aurait du mal en fait à parler de manière, on va dire, logique. Un logos, c'est-à-dire un discours, un discours raisonnement. Argumenté, ouais. Un raisonnement, ou même une description analytique. Et le mythe, de fait, est une histoire. Alors je pense par exemple au Phèdre. Bon, on a une âme, nous dit Socrate, une âme immortelle. Ce qu'elle est, nous dit Socrate, impossible de le dire. Il faudrait en cela un savoir en tout point divin. Et en revanche, ce à quoi elle ressemble, c'est-à-dire en donnant une image, là, on va pouvoir aller un peu plus loin. Et c'est à cette occasion que Socrate va donner le mythe aussi bien connu du mythe de l'Atlas gêlé, qui va figurer l'âme comme un chariot avec un conducteur et deux chevaux. Mais n'est-ce pas une manière pour Socrate de prouver ou de, malgré lui, d'avouer une forme d'échec de la raison qui veut philosopher que d'avoir recours au mythe? C'est une manière de dire que le dialogue peut-être a des limites, que l'argumentation, que la raison peut-être a aussi des limites et qu'il faut recourir à ce qu'il redoute tant par ailleurs, puisqu'on sait que Socrate voulait bannir de la cité les artistes, tout un exercice de l'âme humaine qui ne soit pas rationnel. Alors je crois que pour le point qui nous occupe aujourd'hui, je ne suis pas sûr effectivement que la raison, et c'est le cas aussi dans d'autres mythes platoniciens, hein, je pense au mythe du Politique, mais aussi au mythe de l'Atlantide. Dont on parlera demain. Où il s'agit d'un mythe des origines. Et un mythe des origines, je ne suis pas sûr que le locuteur, en tout cas celui qui fabrique le mythe, soit capable, rationnellement, de lui donner en fait une image satisfaisante. Quand on veut parler de l'émergence de la raison, alors d'une raison qu'elle soit technicienne ou d'une raison même politique, comme c'est le cas dans le mythe de Protagoras, comment on fait lorsque cette même raison n'est pas encore advenue? Et c'est ce que nous raconte le début, en tout cas, du mythe qui nous a été lu en début d'émission. Nous sommes à un temps qui est avant le jour de la naissance, ou en tout cas de la mise à la lumière des hommes qui ont été fabriqués par Prométhée à base d'argile, avant de leur insuffler la vie. Le mythe, exactement de la même manière qu'une métaphore, est un déplacement nécessaire pour le logos, alors raison ou discours, pour figurer au moins le passage d'un état antérieur qu'on ne peut pas se représenter ni même décrire à un état postérieur, par exemple l'état politique, qui a pourtant besoin de ses origines pour fonctionner, pour continuer de fonctionner. On va écouter la suite du mythe. Alors, souvenez-vous, au début, c'était le récit de la création de l'être humain par les dieux. Prométhée et Épiméthée vont répartir les capacités dans chacune des espèces ainsi créées. L'homme est plus faible que les autres, et donc Prométhée, pour remédier à la première répartition à laquelle Épiméthée, son frère, a procédé, eh bien, va voler le feu à Héraclite et ainsi vouloir donner la technique à l'être humain. Ça fait donc deux répartitions. La première, inégale, la deuxième que Prométhée veut corriger. Et voici donc la troisième, quand Zeus, pris de pitié par ce pauvre être humain, va donner une troisième capacité. Écoutez. Les hommes vivaient à l'origine dispersés, et il n'y avait pas de cité. Ils succombaient donc sous les coups des bêtes féroces, car ils étaient en tout plus faibles qu'elles, et leur art d'artisan, qui constituait une aide suffisante pour assurer leur nourriture, s'avérait insuffisant dans la guerre qu'ils menaient contre les bêtes sauvages. En effet, ils ne possédaient pas encore l'art politique, dont l'art de la guerre est une partie. Ils cherchaient bien sûr à se rassembler pour assurer leur sauvegarde en fondant des cités, mais à chaque fois qu'ils étaient rassemblés, ils se comportaient d'une manière injuste les uns envers les autres, parce qu'ils ne possédaient pas l'art politique, de sorte que toujours ils se dispersaient à nouveau et périssaient. Ainsi Zeus, de peur que notre espèce n'en vînt à périr tout entière, envoie Hermès apporter à l'humanité la vergogne et la justice, pour constituer l'ordre des cités et les liens d'amitié qui rassemblent les hommes. Hermès demande alors à Zeus de quelle façon il doit faire don aux hommes de la justice et de la vergogne. Dois-je les répartir de la manière dont les arts l'ont été? Un seul homme qui possède l'art de la médecine suffit pour un grand nombre de profanes, et il en est de même pour les autres artisans. Dois-je répartir ainsi la justice et la vergogne entre les hommes, ou dois-je les répartir entre tous? Zeus répondit, répartis-leur entre tous, et que tous y prennent part, car il ne pourrait pas y avoir de cité si seul un petit nombre d'hommes y prenaient part, comme c'est le cas pour les autres arts. Et instaure en mon nom la loi suivante, qu'on mette à mort, comme un fléau de la cité, l'homme qui se montre incapable de prendre part à la vergogne et à la justice. » Pourquoi Olivier Renaud, parmi tout ce que Zeus peut transmettre aux hommes, afin de leur venir en aide, leur transmet-il l'art politique? Alors, je crois que... Bon, d'abord, il leur transmet, en fait, les conditions de l'art politique, plutôt que l'art politique directement. Quand on dit ça, c'est vraiment peut-être plus une expression, mais l'idée est vraiment de proposer en fait aux hommes de se prendre suffisamment en main, pourrait-on dire, pour instaurer les contrats nécessaires à la survie d'une cité. Il leur donne la capacité. Exactement. En fait, ouais. Il leur donne la capacité de pallier le manque qu'ils ont suite aux deux premières répartitions qui les laissaient complètement dépourvus, à la fois contre les bêtes sauvages, nous dit le mythe, mais aussi entre eux. C'est-à-dire qu'ils étaient eux-mêmes victimes d'injustices mutuelles, si bien que les cités étaient impossibles. Ils s'entretuaient, en d'autres termes. Donc, il leur donne les conditions de l'art politique. Et en fait, c'est un don plutôt qui vient exactement comme le don de Prométhée, qui vient encore une fois combler une espèce de manque. Si bien que l'homme est à chaque fois décalé ou en excès ou en défaut, comme vous préférez, ça dépend du point de vue, par rapport à un ordre cosmique ou naturel qui est, lui, parfaitement équilibré, fermé, on pourrait dire, et qui procède d'une répartition égale, compensatoire entre toutes les espèces. L'homme apparaît, en fait, par trois fois, lors des trois répartitions, comme une espèce d'exception. L'art politique va avoir ceci de particulier, qu'il est, on va dire, une prise de décision libre par une communauté d'individus pour fonder alors une cité ou une colonie, peu importe, et pour se regrouper autour d'une valeur qui soit effectivement la base du commun. Il y a un élément dans le mythe qui nous permet d'affirmer l'importance en fait du commun là-dedans, c'est quand Hermès demande « Est-ce que je dois distribuer les capacités comme un médecin ?» comme la médecine, comme l'art de la médecine, et Hermès ajoute « Un médecin suffit à beaucoup de profanes ». Et en grec, le terme de profane, c'est les idiotes, c'est les particuliers, les simples particuliers. En d'autres termes, pour l'art de la médecine, comme pour l'art de la flûte, on n'a pas besoin de quelque chose qui soit commun. Alors qu'ici, le propre de la répartition, j'aurais presque envie de dire que c'est le mode de répartition qui importe plus que ce qui est donné. C'est le fait que ce soit distribué absolument à égalité, ça posera d'ailleurs un vrai problème épistémologique, c'est parce que c'est distribué à égalité que justement il peut y avoir du commun. En fait, ce qu'il leur donne à ce moment-là, c'est le sens de la justice, c'est ce qu'il écrit, la justice et de la vergogne. Même si le thème de vergogne ici est un peu trompeur, non, la vergogne c'est la honte, est-ce que c'est ça que ça veut dire? Alors c'est une expression en grec qui est très difficile, alors à vrai dire, les termes grecs c'est eidos et dikai. Dikai, la justice. Dikai, on a envie de dire que c'est relativement simple, que ça renvoie à la justice. Mais il faut peut-être se méfier, Protagoras emploie, Platon, par la bouche de Protagoras, emploie un vocabulaire qui est très volontairement archaïsant. Et on comprend bien pourquoi. Il se réfère systématiquement à un vocabulaire hésiodique et éventuellement tragique. Et eidos et dikai, en fait, ce sont deux termes qui sont des quasi-personnifications, par exemple dans les travaux et les jours d'Hésiode. Quand la race de fer puis de bronze arrive, eidos et son équivalent némésis de dikai chez Hésiode partent complètement désespérés puisqu'il n'y a plus rien à faire justement chez les hommes. Donc, dikai, c'est vrai que c'est sans doute le sens de la justice. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur le lien qu'il peut y avoir entre la dikai, sens de la justice, et la vertu qui va être nommée plutôt dikaiosune, la vertu de justice. Qui permet de vivre ensemble, voilà. Précisément. Aido, c'est vrai que ça pose un autre problème. Qu'est-ce que c'est ? On a une traduction par vergogne, mais qui est elle-même issue d'un terme latin. C'est souvent traduit par respect ou honte. Ici, je précise, nous utilisons la traduction de Frédéric Ildefonso. Voilà, et qui a choisi vergogne. Et on comprend pourquoi, en fait. Il s'agit d'un sentiment d'abord, et il s'agit d'un sentiment inhibant qui permet de retenir des passions qui seraient éventuellement bestiales. Bon, eidos, chez Homère, chez Hésiode, ça renvoie, on va dire plus généralement, à quelque chose qui est le sens de la honte, le fait de reconnaître une hiérarchie, peut-être. La retenue, la réserve. Réserve est un terme qui est peut-être plus idoine. La réserve. Voilà. Le sens de la réserve. Le fait de se réserver pour quelqu'un, le fait de réserver ses propres passions, le fait d'accueillir éventuellement la parole de l'autre, ce sont des propriétés de ce terme un petit peu archaïsant qui s'appelle eidos. Mais ce que signifie ce texte, donc la description de la troisième répartition, l'intervention de Zeus qui dispense à chacun le sens de la réserve, allons-nous dire, et de la justice, c'est que la capacité pour l'homme de vivre avec d'autres hommes, et donc peut-être son sens politique, ne vient pas de lui, mais lui a été donnée par Dieu. Oui, et il y a, je crois, deux points qui sont importants à noter. Lors de la troisième répartition, l'effet immédiat, en tout cas l'effet escompté par Zeus lors de ce don, le texte dit « afin de créer les liens, les ordres des cités et les liens unificateurs d'amitié » ou les liens d'amitié unificateurs. On a deux choses ici. On a d'abord l'ordre des cités, dont on sait qu'il va être maintenu grâce à une loi qui est celle de Zeus. C'est une loi d'ailleurs un petit peu curieuse, puisque cette loi ne dit simplement qu'on mette à mort quiconque déclare ne pas participer à ces deux sentiments de réserve et de justice. Mais c'est une loi qui est effectivement inscrite, en tout cas garantie par un ordre divin. Mais c'est vrai que c'est le terreau du communautarisme. Hein. C'est-à-dire on va mettre à mort celui qui n'appartient pas à notre communauté. C'est le risque. Mais Platon n'était pas connu pour sa clémence politique de toute façon. Ouais, ça, vous l'avez même bien si dit. Là, c'est Protagoras. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un autre sentiment qui est important dans le texte, c'est le sentiment de filia. Et cette réunion, en filia, fait. Filia, l'amitié. Filia, l'amitié. Ce sens, en fait, de la filia, alors qui n'est peut-être pas dans le texte de Protagoras, la filia, amitié entre deux individus, par exemple, et ce de manière réciproque. Il s'agit beaucoup plus probablement d'une amitié qu'on pourrait appeler politique, c'est-à-dire une amitié de réseau, le fait de, pour chacun des concitoyens, de tisser des liens contractuels, mais aussi des liens familiaux étendus, le fait de reconnaître en l'autre un concitoyen et pas simplement un ennemi potentiel. Et donc, l'idée, je crois, enfin, qui est vraiment importante dans cet art politique, c'est le fait que Zeus, et c'est tout à fait congruent avec le mythe dit de Cronos dans le politique. Zeus est le symbole, en fait, de l'advenu de l'art politique, au sens où on laisse à l'homme le soin de prendre en main son propre avenir et fonctionnement. Bah, une chose est de dire ça, une autre est de parvenir à prouver que l'art politique s'enseigne. Parce que ce que nous dit Protagoras à travers ce mythe, c'est que Zeus nous a donné la capacité de devenir un bon citoyen. Ça ne veut pas dire que nous sommes naturellement de bons citoyens, ni que c'est par la transmission que nous devenons un bon citoyen. C'est pour être par l'expérience. En quoi est-ce que ça sert le raisonnement de Protagoras, ce mythe ? Je crois que ça sert son raisonnement parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. L'idée est pas du tout que Protagoras déclare que tous les citoyens d'Athènes sont des bons citoyens. Il est bien placé pour le savoir, ayant été victime lui-même d'un procès, dans certaines des sources en tout cas que nous avons de Protagoras. Et dans la suite de son discours, il le dira lui-même. Hein, la cité est pleine de sycophantes. Il y en a qui sont vicieux, même s'ils ne vont pas jusqu'à être des cyclopes. C'est sa propre expression. Ce qui est important, c'est effectivement le processus par lequel la politique va entrer, on va dire, dans le cœur des citoyens. Ce que va dire Protagoras dans la suite de son mythe, c'est... On verra des gens plus ou moins effectivement vicieux, mais jamais, dira-t-il à Socrate, jamais on ne verra quelqu'un déclarer lui-même, en tout cas de son plein gré, qu'il ne veut pas participer au sens de la réserve et de la justice. Et bon, ça paraît être une affirmation relativement banale, mais elle est relativement importante. C'est-à-dire que chacun a l'intuition que il vaut mieux au moins paraître être juste dans sa propre cité que de ne pas le paraître. Et la différence qu'il peut y avoir entre agir vertueusement et faire comme si on agissait vertueusement, eh bien, il me semble que c'est exactement la différence que vous allez trouver entre ce qu'on pourrait appeler une loi, on va dire, transcendante, contraignante, qui serait celle du contrat social de Rousseau, par exemple, et puis quelque chose de beaucoup plus souple qu'on pourrait appeler les règles du jeu. Pour Protagoras, vivre en cité, c'est jouer les règles du jeu. Et ces règles du jeu, on les apprend tout petit, par l'éducation, par un certain nombre de processus, procédures. On apprend par cœur des textes, on apprend fait ceci, fait cela, et pas ceci. On a toute une pénologie, c'est-à-dire un système de lois coercitives qui garantissent le bon fonctionnement de la cité. Bref, il y a une forme d'immanence, si vous voulez, des normes de la communauté à l'intérieur de la cité de Protagoras. Mais on peut apprendre un texte vertueux par cœur sans forcément devenir vertueux, Protagoras le sait bien. Savoir le bien ne rend pas forcément vertueux. Oui, mais ça dépend de la manière dont peut-être vous allez bien le jouer ou bien l'apprendre par cœur. Ah oui, parce qu'il faut le présupposé de base, c'est que c'est un jeu. Nous jouons à être citoyens, nous jouons à être vertueux. Alors, il n'emploie pas, il emploie cette métaphore du jeu, notamment avec la métaphore du flûtiste dans la suite de son discours. C'est vrai que je ne pourrais pas dire que c'est un élément absolument central du mythe. Et il ne dit pas que c'est un jeu, ça a l'air suffisamment dangereux lors de la troisième répartition pour qu'on considère que ce n'est pas un jeu. Si c'était un jeu, alors on n'aurait pas peur de la loi. Enfin, si c'était uniquement un jeu, j'entends. En revanche, ce qu'il comprend bien, Protagoras, et ce qu'il fait comprendre, je crois, à ses étudiants, c'est que si tous les citoyens sont ainsi, ont équitablement en partage cette capacité politique, il faut qu'on trouve quand même un moyen pour les riches citoyens d'Athènes de manipuler cette foule, et c'est l'objet de l'enseignement de la sophistique. Et donc, pour cela, il faut bien connaître les règles. Et il me semble que l'objet de l'enseignement de Protagoras, c'est précisément capacité à se fondre dans un bon conseil, dans une bonne délibération qui soit justement audible pour un ensemble, une communauté démocratique, sans qu'elle puisse paraître nécessairement, par exemple, tyrannique. En 15 jours, on n'est pas d'accord sur quelle société on veut. Si on est anticapitaliste, anti-ceci, tout ça, ça débat. Et ça doit débattre, et c'est normal, il faut du temps. Donc, pas de vote. Le fait de voter, de discuter, de donner un avis consultatif à un moment M, c'est intéressant, c'est déjà bien. Les assemblées peuvent avoir plusieurs objectifs. Décider, proposer, organiser, débattre, rendre compte. Qui aurait dit il y a un mois qu'on aurait pu se poser devant ce qu'on appelle l'Assemblée nationale et opposer à cette fausse Assemblée nationale une Assemblée populaire improvisée avec un mégaphone? C'est un véritable changement de système dont on a besoin. Démocratie ! Allez, la démocratie ! On a été fortement détruits parce qu'on a fait confiance à un schéma qui a été institué et qui aujourd'hui nous trahit pleinement dans ce pouvoir qui nous appartient individuellement, qui est le droit de transformation de la cité. Nous apprenons tous ensemble cette démocratie que nous voulons inventer. Nous apprenons tous ensemble cette démocratie, pouvions-nous entendre cette voix dans ce mégaphone? C'était un extrait du documentaire de Mariana Otero lors du phénomène de Nuit Debout, en mai 2017, Olivier Renaud. Et alors quand on vous a écouté là depuis 45 minutes quasiment nous raconter ce mythe du Protagoras et la discussion entre Socrate et Protagoras sur la possibilité ou non de transmettre un art politique, et qu'on entend ce documentaire et ces voix, on se dit mais en fait, alors si tout le monde a la capacité à être un bon citoyen, avons-nous la capacité de nous entendre quant au but recherché? Et surtout, ce que vous venez de dire à l'instant, disant mais Protagoras, c'est bien aussi à qui il s'adresse, et comment faire aussi pour que cette foule puisse être peut-être manipulée par les plus riches d'entre eux qui voudraient avoir le contrôle? On se dit que les conflits tels que ce documentaire les fait entendre sont absolument inéluctables. Oui, c'est un rapprochement très pertinent, je trouve, le rapprochement avec Nuit Debout, et ça pose d'ailleurs, ça a toujours posé et ça continue d'en poser une vraie question d'interprétation sur le mythe de Protagoras, au sens où on ne sait pas, c'est sans doute le fait de Platon d'ailleurs, on ne sait pas dans quelle mesure Protagoras ici va défendre une certaine forme ou une certaine idée de la démocratie. Ce qui est évident, bien sûr, c'est que Protagoras, disons, va être une figure repoussoir pour Platon ou pour Socrate. Même si, nous sommes bien d'accord, le Protagoras n'est pas un dialogue sur le fonctionnement de la démocratie et qu'on trouvera probablement des choses beaucoup plus fine dans le livre 8 de la République, par exemple, sur la critique de la démocratie, c'est évident que Protagoras joue le rôle d'une figure comme ça de questionnement de qu'est-ce qu'on fait avec ces mythes des origines de l'art politique, avec le fait politique lui-même, c'est-à-dire la nature politique de l'homme. Et c'est une question, par exemple, qui peut apparaître chez des philosophes contemporains comme Jacques Rancière, où on va exhumer le terme démocratie dans son sens, on va dire, grec, pour essayer de chercher justement cette capacité à, précisément parce que, enfin, capacité à délibérer et à parler, précisément parce qu'on n'en a pas le titre. Mais c'est ça, c'est que plus de 2000 ans après, nous en soyons encore finalement au même point avec les mêmes discussions. Est-ce que ça donne pas tort à ce mythe? C'est qu'en fait, peut-être que ces capacités ont été mal distribuées, ou en tout cas, il faudrait une quatrième répartition pour nous donner la capacité de nous entendre sur cette définition et sur la moyen de les mettre en œuvre. Alors, ce que la troisième répartition n'a pas du tout effectivement solutionné, c'est le fait que l'espèce humaine est toujours en manque de solution. Il lui manque d'un expédient. Et ça, c'est évident. Et des expédients que propose Protagoras, effectivement, c'est la mise en commun, justement, de ces paroles, avec des paroles qui seraient peut-être plus autorisées que d'autres, ça, il ne le dément pas, celle, par exemple, du sophiste. Mais ça encore, c'est peut-être aussi le jeu de Platon, au sens où ce sur quoi Platon et ou Socrate va être d'accord en fait avec Protagoras, c'est que Protagoras est le signe même du mauvais fonctionnement de la démocratie athénienne pour Platon, au sens où on fait comme si tout le monde avait en partage les capacités de l'art politique, alors que justement c'est du comme si. On sait très bien que c'est Périclès ou éventuellement des tyrans, avec l'épisode de la tyrannie des 30, qui émergera en réalité de ce système démocratique. Et la sophistique n'y est probablement pas pour rien. L'autre, évidemment, interprétation, c'est de faire de la sophistique un mouvement véritablement démocratique, en tout cas, qui promeut une forme de... Alors, je ne parle pas de constitution ici. Le régime constitutionnel est peut-être une question qu'il faudrait mettre à part. Et ce serait un des moyens de sauver Protagoras, peut-être, contre Platon. Mais ce que Protagoras affirme, c'est quelque chose, et ça c'est très proche de Rancière, quelque chose qui est une nature humaine qui est essentiellement démocratique, au sens où tous participent de cette capacité. Et que cette capacité, enfin cette nature politique, elle est incommensurable avec la capacité technicienne. Et c'est la raison peut-être pour laquelle j'aurais envie plutôt d'employer l'expression mythe de Protagoras plutôt que mythe de Prométhée, c'est que Prométhée s'efface derrière cette dernière répartition divine. Et que ce n'est pas à travers la technique, ce n'est pas à travers... l'invention, et je ne parle pas seulement des techniques, des techniques que sont la céramique, puis l'inventivité technicienne humaine, mais c'est aussi par exemple le gouvernement qu'on appelle technocratique. Protagoras refuse que l'art politique, en tout cas la technique politique, soit une technique qui puisse uniquement être transmise à quelques-uns. Ça n'est pas possible. On peut jouer mieux dans un système de normes, ça il l'affirme. En revanche, il me semble que Protagoras peut être appelé démocrate au sens précis où il affirme que la nature humaine est essentiellement politique. La nature humaine est essentiellement politique, mais il y a une forme de division verticale entre ceux qui savent et ceux à qui on doit enseigner. Parce que la transmission de ce savoir politique, elle se fait presque de maître à élève, elle se fait pas d'égal à égal. Oui. Ensuite, il faudrait savoir si Protagoras, et il le fera certainement, dans le système éducatif athénien, bon, la paideia, il faudrait se référer à l'âge d'Hippocrate dans le prologue de ce discours, mais ça n'a qu'un temps. On se souvient aussi de la même manière, de la manière dont Calliclès dit à Socrate « on fait de la philosophie jusqu'à ses 18 ans et puis après ça suffit ». Donc c'est comme ça que Protagoras l'entend, c'est en fait enseigner comme un maître enseigne à son élève de manière provisoire, sans penser... Oui, c'est-à-dire qu'il n'est pas rétif ensuite à la discussion avec Socrate et avec d'autres sophistes, comme ce sera le cas dans la suite du dialogue, mais au bout d'un moment, Protagoras va perdre intérêt. Dans certaines des questions que va lui poser Socrate lui-même. Comme ça arrive d'ailleurs dans le Gorgias. Donc, il y a la période de paideia, d'éducation, et puis ensuite, il faut bien que cet ancien étudiant s'émancipe et fasse preuve de ce que Protagoras lui a enseigner, ou en tout cas il lui a donné les moyens d'enseigner cela, d'acquérir cela, c'est-à-dire le bon conseil, la faculté de bien délibérer. Difficile de voir pourquoi alors Socrate n'est pas d'accord avec Protagoras sur ce point, lui qui veut enseigner quand même. Mais vous avez tout à fait raison. Il y a un enjeu à mon sens très important dans la manière dont Platon et les sophistes vont se distinguer justement qui est le vrai dépositaire de cette transmission de savoir. Alors bon, c'est pas une transmission, on le sait bien, verticale. C'est ça. Pour Socrate, c'est évident. N'empêche que pour Platon, la vertu s'enseigne. Là non plus, ça ne fait probablement pas l'ombre d'un doute. Ça dépend des contextes dialogiques, donc, qui est dépositaire de cette capacité à enseigner le boulia, le bon conseil? Est-ce que c'est par le dialogue? Est-ce que c'est par la réfutation? Est-ce que c'est par un système politique tel que la République? Ou est-ce que c'est par un régime démocratique tel que pourrait le défendre Protagoras? La question se trouve peut-être dans la suite du dialogue du Protagoras que je vous invite à lire, chers auditeurs. Merci à vous, Olivier Renaud, d'être venu nous en parler. Ce qu'on retient, entre autres, de ce mythe, c'est que sans les dieux, les hommes n'auraient peut-être pas la faculté de réfléchir, la capacité à être un bon citoyen, et ils seraient tout simplement, comme le chant de Bobby Womack, stupides. He came on television and told everyone he had seen God. So I stopped channel surfing immediately. He said that he had seen God, and God told him to raise $8 million. God was broke. Encore, Olivier Renaud, je renvoie les auditeurs à vos ouvrages, on les mettra en lien sur le site des Chemins de la Philosophie, La médiation des émotions, qu'on trouve aux éditions Vrin, chez Platon évidemment. Oui, c'est ça, La médiation des émotions chez Platon. Focus sur Platon, La République, livre 6 et livre 7 aux éditions Ellipse. Et puis récemment avec Luc Brisson, Érotique et politique, aux éditions Academia Verlag. France Culture, les chemins de la philosophie, il est grand temps de retrouver le journal de la philo d'Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Nous continuons notre série sur les 7 péchés capitaux. Hier la luxure, aujourd'hui la colère. Tu peux pas rivaliser, on va te dévaliser, man. Te déraciner, te décalciner, ok. Un bon joint du 9-2, diac, ma libido est brusqué. Je compose un numéro, glisse entre une paire de cuisses musclées. Ici on est tranquille, loin de tout parasite. Baby, fais-moi la bise, puis suce-moi la bite. Ok, je suis vulgaire, les bourgeois chopent des ulcères. Quand ils écoutent ce qui sort de ma bouche, c'est le son dangereux du terre-terre. Sonnant à fond, intérieur cuir noir, boîte séquentielle. Pour écrire, il me faut du chisnit, la drogue m'est essentielle. On est venu cracher notre haine, faut que la SDRM haute scène, ça vend du seum, car c'est le cash qu'elles aiment. On écoute le titre Le Duc de Boulogne de Booba. La colère est devenue le fond de commerce d'un genre musical, le rap. Elle est parfois gratuite, mais la plupart du temps, elle est justifiée.